Et maintenant, contrôlez vos connaissances. Écoutez le français et puis dites l'anglais. Commençons. Consulter. To consult. Au revoir. Goodbye. La faute. The fault. Mon mari. My husband. Le service des renseignements. Directory inquiries. Veuillez. Please.